إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10, hein, le Sharh de Fadl al-Islam, avec le Sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. C'est le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on commence aujourd'hui un nouveau chapitre, hein. On s'était arrêté avant mon départ, hein, au cours numéro 9. Et là on commence donc le cours numéro 10. Le chapitre qu'on commence, c'est Babun wujub ad-dukhul fi al-Islam kullih wa tark ma siwahu. Ça veut dire, c'est un chapitre qui explique l'obligation d'entrer dans l'islam en entier et d'abandonner tout ce qui est en dehors de l'islam. Et dans ce chapitre, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné plusieurs versets et plusieurs hadiths. Donc on va les lire ensemble, puis lire l'explication du cheikh Salih al-Fawzan, hein, hafizahullah, au sujet de ces différents versets et de ces différents hadiths. Le premier verset que le cheikh a mentionné, c'est celui-ci. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam en entier. Entrez complètement dans l'islam en entier. Ça, c'est le verset 208 dans Surat Al-Baqarah. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, بابٌ الدخول في الإسلام كله. معنى بمعنى أنك تقبل الإسلام كله فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، أقبلوه كله ولا تأخذوا بعضه وتترك البعض الآخر، فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Donc le cheikh explique que donc le chapitre, hein, d'entrer dans l'islam en entier, ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois accepter l'islam au complet. Tu ne peux pas prendre une partie de l'islam puis laisser l'autre partie. Et ce chapitre, et ces explications qu'on va lire là, c'est très important de les comprendre, parce qu'on a, à notre époque, et dans cette période en particulier, à faire face à des gens qui contredisent justement tout ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et donc, chacun d'entre nous, malheureusement, on va avoir à faire face à des individus, même dans les mosquées parfois, qui vont contredire les explications qu'on va mentionner aujourd'hui. Et donc c'est important de bien comprendre ces preuves et ces éléments, et de bien les assimiler, comme ça, inshallah, lorsqu'on rencontre des musulmans qui ont de l'ignorance ou qui ont des erreurs dans leur compréhension de l'islam, eh bien, on va pouvoir les corriger, leur donner le bon conseil, hein, et leur expliquer les choses correctement pour qu'ils reviennent à la bonne compréhension et à la réalité de l'islam. Donc, le cheikh, il dit, Allah nous ordonne donc, dans le verset 208, dans Surat al-Baqarah, d'accepter et d'entrer dans l'islam en entier. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam, dans la soumission en entier. Donc, c'est pas que tu acceptes une partie et que tu rejettes l'autre partie et tu dis je suis musulman. Non, tu dois accepter tout. Parce que tout vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il dit, hey, fais l'islam. Donc, c'est-à-dire dans l'islam, c'est-à-dire acceptez-le au complet. Ne prenez pas une partie et pour laisser l'autre. Celui qui agit de cette manière-là, c'est comme s'il a mécru en l'islam. Il a rejeté l'islam. Parce que il n'a pas cru en l'islam au complet. Il a juste cru en une partie de l'islam. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils croient en des aspects de l'islam qui sont en accord avec leurs désirs ou leurs passions. Puis qu'est-ce qui fait pas leur affaire dans l'islam? Ou qu'est-ce qui fait pas l'affaire des koufars ou de certains individus malades ou égarés ou mécréants? Eh bien, ils le rejettent ou ils le nient. Hein? Donc, le cheikh, il dit, celui qui agit de cette manière-là et qui fait ça, il n'est pas croyant en l'islam. Et il mentionne le verset 150 et 151 dans Surat al-Nisa à ce sujet-là. Barakallahu fik. Donc, dans le verset 150 et 151 dans Surat al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux qui ont mécru en Allah et en son messager et qui veulent faire une séparation, hein, qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, hein, et qui disent on croit en certains mais on rejette les autres, et qui veulent prendre une voie entre les deux, ceux-là sont les vrais mécréants. Oulaika humul kafirun haqqa. Ce sont les vrais mécréants, c'est-à-dire ils veulent croire en certains messagers, mais ils ne veulent pas croire aux autres. Donc, c'est comme celui qui dit « je crois en partie de l'islam, mais je ne crois pas en l'autre ». Hein? Comme aujourd'hui, on rencontre des musulmans, ils disent « bon, moi j'accepte la salat, j'accepte la zakat et le hajj, hein? Et je dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mais le hijab, j'accepte pas. Ou bien le djihad, j'accepte pas. Ou bien, par exemple, je sais pas moi, d'autres aspects comme les règles de la charia qui nous ordonne par exemple, ou qui ordonne aux responsables, aux dirigeants de punir certains qui ont commis des crimes par certaines peines spécifiques, comme le voleur, on lui coupe la main, ou celui qui a commis l'adultère, on va le lapider, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est des peines spécifiques. Il y en a qui disent, bon, moi je crois en l'islam, mais ça, j'y crois pas. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman, il est mécréant. Hein? Parce qu'il a cru en une partie, il a rejeté le reste. Le cheikh, il dit, « Alladhi yu'minu bi ba'd al-rasul, ou bi ba'd al-kitab, ou bi ba'd al-islam, wa yakfuru bil ba'd al-akhar, fahuwa kafirun bil jami'a. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab, wa takfuruna bi ba'd, فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Le cheikh, il dit donc, celui qui croit, il dit je crois en certains messagers et il rejette les autres. Celui qui dit je crois en une partie du livre ou en certains livres et je crois pas aux autres. Ou celui qui dit je crois en certains aspects de l'islam mais je rejette le reste, alors celui-là, c'est comme s'il avait rejeté tout au complet. C'est comme s'il avait rejeté tout au complet et qu'il n'avait cru en rien du tout. Et il mentionne le verset 85 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre alors que vous rejetez le reste? Alors quelle sera la récompense ou la rétribution de celui qui agit de cette manière parmi vous, excepté l'ignominie, hein, l'ignominie, c'est-à-dire l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés ou ramenés au plus dur châtiment, et Allah n'est certes pas indifférent de ce que vous faites. Donc, ça c'est un verset clair qui montre que c'est pas permis de dire que tu crois en une partie du livre puis tu rejettes l'autre partie. Si la personne qui commet cette chose-là, par exemple, elle nie une partie de la religion par ignorance, alors celle-là, hein, on lui explique, on lui apprend. Mais si c'est une personne qui renie alors qu'elle a la connaissance de la religion, alors ça, bien entendu, ce sera considéré comme une personne qui a rejeté la foi. Le cheikh, il dit ensuite, « فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلْ الْإِسْلَامِ أَنْ يَقْبَلَ الْإِسْلَامَ كُلَّهِ فَيَعْمَلُ بِمَا يَسْتَطِيعُ مِنْهُ وَلَكِنْ يُؤْمِنُ بِهِ كُلَّهِ أَمَّا أَنْ يُؤْمِنَ بِبَعْضِ وَيَكْفُرَ بِالْبَعْضِ الْآخَرِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ وَلَا يَكْفِي أَوْ يَأْخُذْ مِنَ الْإِسْلَامِ مَا وَافَقَ هَوَاهُ وَمَا خَالَفَ هَوَاهُ تَرَكَهُ فَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ وَلَا يَكْفِي فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ الْإِسْلَامُ جَمِيعُهُ وَيُؤْمِنُ بِالْإِسْلَامِ Le cheikh, il dit que c'est obligatoire aux musulmans d'accepter l'islam en entier et d'appliquer ce qu'il est capable d'appliquer dans l'islam, mais il doit y croire en entier. Ça, c'est quelque chose, beaucoup de musulmans parfois ils se trompent dans cet aspect là et on a remarqué ça de la part de certains ici en Occident. Des fois on remarque, ils ont une mauvaise compréhension à ce sujet-là. C'est-à-dire que ils acceptent uniquement ce qu'ils sont capables de pratiquer. Et ils s'imaginent que s'ils ne pratiquent pas quelque chose, ou s'ils ne font pas quelque chose de la religion, eh bien, ils préfèrent parfois le renier que d'admettre leur faute, ou leur tort, ou leur manquement. Et ça, c'est une grave erreur. C'est comme, par exemple, il y a des gens, des fois on a discuté avec certains individus au sujet de certains aspects de l'islam et par exemple eux, ils pratiquent pas certaines de ces choses-là. Comme par exemple l'obligation de laisser pousser la barbe ou bien l'obligation de porter le hijab ou des choses de ce genre. Il y en a qui vont dire, bon, puisque moi je suis pas capable de la laisser pousser ma barbe et que ma foi est pas assez forte, hein, eux, ils ne vont pas dire ça comme ça. Ils vont dire, bon, puisque moi je ne le fais pas, alors je ne vais pas admettre que c'est interdit de la raser. Je vais nier complètement. Je vais dire que c'est halal de la raser. Ou bien, une femme, si elle ne porte pas le hijab, au lieu d'admettre qu'elle est dans le tort et qu'elle est en train de commettre un péché et qu'elle doit se repentir et commencer à le porter, au lieu de faire ça, elle va dire, c'est pas obligatoire dans l'islam, pour se donner bonne conscience, pour essayer d'éliminer comme l'idée qu'elle est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accepter ça et qui ont du mal à vivre avec l'idée qu'ils sont dans le péché. Donc au lieu d'admettre que ce qu'ils font c'est incorrect et de demander pardon à Allah et d'essayer de se corriger ou de demander l'aide d'Allah, eh bien ils préfèrent essayer de nier l'affaire. Hein? Un peu comme l'autruche, quand l'autruche il voit un danger à l'horizon, hein? Il voit quelque chose, il rentre sa tête dans le sol. Il pense que en faisant ça, le danger va s'en aller. Hein? Mais c'est pas comme ça qu'il faut agir. En réalité, si tu fais quelque chose qui est haram, tu dois admettre que c'est haram et tu dois te repentir et demander pardon à Allah. Si quelqu'un boit de l'alcool, par exemple, il sait que c'est haram. Il ne doit pas commencer à dire, non, l'alcool c'est halal, pour se donner bonne conscience ou par orgueil devant les gens. Quand il s'est fait prendre, on l'a vu en train de boire de l'alcool, il ne veut pas reconnaître que c'est haram, il va dire, ah non, mais non, l'alcool c'est pas vraiment haram, hein, tu sais, on a le droit de le boire, mais il commence à philosopher. Non, t'as fait quelque chose, c'est haram, admets que c'est haram, demande pardon à Allah et corrige-toi. Mais commence pas à rendre halal l'affaire, parce que si tu essaies de le rendre halal, là ça devient kufr. Et ça c'est dangereux, c'est plus dangereux que de commettre le péché. Hein? Celui qui, et les ulama le disent souvent, celui qui commet le péché tout en reconnaissant que c'est un péché, il est moins dans l'égarement, ou bien c'est moins dangereux que de ne pas faire le péché tout en le rendant halal. Donc ça c'est très important. Donc le cheikh il dit fayamal bima yastati' minhu, tu fais ce que tu es capable de l'islam, mais tu crois en l'islam en entier. Comme par exemple nous aujourd'hui, on est au Canada, on ne peut pas appliquer les peines, on ne peut pas appliquer les règles qui nous dépassent par rapport aux règles de l'islam, qui sont conditionnées ou limitées par la présence d'un dirigeant ou d'un chef d'état ou d'un pays musulman, des choses de ce genre. Donc, si on ne les applique pas ces choses-là, est-ce que ça nous permet de les nier? Hein? Si par exemple quelqu'un ici au Canada, il n'est pas capable d'appliquer la polygamie, est-ce que ça lui permet de nier la permission d'avoir plusieurs plus qu'une femme? Non, il y a des musulmans qui ne comprennent pas ça. Ils disent, étant donné qu'on est ici, on est dans un pays non musulman, puis on ne peut pas appliquer ces règles-là, donc on peut dire que ces règles-là sont pas dans l'islam ou qu'on ne les accepte pas. Hein? Et il y en a qui agissent de cette manière-là avec les koufars ou avec les médias. Ils vont nier des choses de l'islam parce qu'ils disent on n'est pas dans un pays musulman, donc ces choses-là, ça n'existe pas ou ça ne s'applique pas. Et ça, c'est grave parce que tu es en train de nier des réalités qui font partie de l'islam, qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Donc, à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que des gens commencent à nier des choses de la religion islamique par ignorance parfois. Hein? Et parfois avec connaissance, et ça c'est une porte vers la mécréance. Donc c'est très dangereux, hein, d'agir de cette manière-là. Donc ceux qui disent par exemple on va faire un islam du Québec ou un islam de France dans lequel on va enseigner aux musulmans que ces choses-là n'existent pas dans l'islam, ou enseigner l'islam d'une manière soi-disant contextualisée pour qu'on fasse comprendre aux musulmans qu'ils doivent uniquement croire en l'islam, qu'est-ce qui est en accord avec les lois des kuffars, ça c'est contraire à l'islam, c'est pas correct. Il faut enseigner le Coran et la Sunna aux musulmans et leur faire comprendre le Coran et la Sunna tels qu'ils sont. Toutefois, il faut en même temps leur expliquer aussi que certaines des règles de l'islam nécessitent certaines règles et certaines conditions pour qu'ils puissent être appliquées, comme par exemple les règles de pénalité ou les punitions et des choses de ce genre, ou comme le djihad par exemple. Il y a des conditions qui nécessitent d'être présentes pour que ces règles-là puissent être appliquées correctement, et on doit juste reconnaître ça, mais on ne doit pas, pour plaire ou pour faire ou pour une autre raison quelconque, nier ces aspects-là de la religion de l'islam, comme le font certains ignorants ou certains égarés parfois. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, amma, donc si par contre quelqu'un croit en une partie et nie l'autre ou nie le reste, alors ça c'est pas permis et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de la part de quelqu'un. Il faut qu'il prenne l'islam en entier. Hein? Ou celui par contre qui prend juste de l'islam ce qui est en accord avec ses désirs, et qu'est-ce qui est en contradiction avec ses désirs, il le laisse. Ça aussi, c'est pas suffisant. Et c'est pas permis. Il faut, c'est obligatoire qu'ils prennent l'islam en entier. Et qu'ils croient en l'islam au complet. En entier. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est arrivé des fois dans certaines circonstances, on a vu des musulmans quand ils parlent, il y en a qui, j'en ai entendu personnellement même, qui disent, pour moi, mon islam à moi que j'ai connu, dans mon pays ou dans ma famille, dans mon islam à moi, il y a ça, il n'y a pas ça. Hein? Dans mon islam à moi, il y a l'amour, il y a l'affection, il y a l'harmonie, il y a la paix, hein? Il y a l'acceptation de l'autre, etc. etc. Hein? Tandis que dans ton islam à toi, il y a ça, et mon islam et ton islam, etc. etc. Ça, c'est une mauvaise façon de parler. C'est une façon incorrecte de parler de la religion de l'islam. Parce que si tu te bases uniquement sur ce que tu as connu toi de l'islam, ou ce que ta famille a connu de l'islam, ou ce que tu as connu dans l'islam dans ton pays ou dans ton village, pour déterminer ce que c'est l'islam, eh ben tu vas causer du tort ou une injustice à l'islam. Parce que l'islam est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, hein, que ce que tu as appris dans ta famille ou dans ton village ou dans ton pays. Ce n'est pas nécessairement ça qui était l'islam réel. Peut-être que c'était des choses qui étaient mélangées avec des choses étrangères à l'islam, ou des compréhensions contraires à l'islam même parfois, ou à de la culture, ou des coutumes, ou des traditions, et à de l'ignorance. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner au Coran et à la Sunna et dire tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des Sahaba, ça c'est l'islam. Et pas dire moi dans mon islam, il n'y a pas ton islam ou l'islam de l'un et de l'autre. L'islam c'est le Coran et c'est la Sunna, c'est ça la charia. Hein? Donc le Cheikh il dit il faut l'accepter en entier et croire en l'islam en entier. Ensuite il dit wa qawlullah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kaffa kaffa يعني جميع الاسلام فلا تاخذ بعضه وتترك بعضه حسب هواك ورغبتك وحسب رغبتك او تاخذ الذي يرضيك ها الإسلام كله وحدة يعني وحدة متكاملة. Donc le cheikh il dit Allah il dit le cheikh il dit donc que Allah a mentionné dans le verset ô vous qui avez cru entrez dans l'islam au complet en entier, entrez dans la soumission en entier. Kafatan, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire dans tout l'islam. Tu vas pas prendre une partie de l'islam puis laisser le reste. Hein? Puis le cheikh il va expliquer, il y a certaines, des fois il y a des groupes ou il y a des individus, hein, comme on va en parler tout à l'heure, ils prennent un aspect de l'islam puis ils se concentrent dessus puis ils négligent le reste ou les autres aspects et ils font une secte avec ça ou un groupe avec ça et ils se distinguent des autres musulmans en se concentrant sur ces aspects là comme par exemple vous allez voir certains soufis, hein, certains groupes comme ils vont dire nous on a la piété, le zikr, hein, et vous avez pas le zikr. Ça c'est pas correct parce que le zikr ça fait partie de l'islam et c'est une obligation qui est pas spécifique aux soufis, hein, c'est une obligation qui est générale pour tous les musulmans. Toute personne qui dit je suis musulman, je crois en l'islam, il doit faire le zikr, hein. Donc c'est pas juste pour dire ah mais un groupe en particulier ils ont cet aspect-là ou caractéristique tandis que les autres non, hein? Et faire une secte avec ça. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça aussi. Donc le cheikh il dit que l'islam donc tu dois l'accepter en entier, tu dois pas prendre une partie et laisser l'autre selon tes désirs, tes passions ou prendre juste qu'est-ce qui te plaît. Tu prends l'islam en entier parce que c'est un tout qui se complète. Et il dit ensuite un autre verset قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ça c'est le verset 60 dans sourate An-Nisa, verset 60. Ça signifie quoi? Ça signifie, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi et en ce qui a été révélé avant toi. C'est ça, c'est wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme les munafiqoun, il dit on croit en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi et ce qui a été révélé sur toi. Mais ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il explique ce verset, il dit yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Ils veulent prendre pour juge le tarout, ils veulent prendre pour juge des lois qui opposent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont contraires. Donc on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit wa min ad-dukhuli fil islam kaffatan tahkim ash-shari'ah fa hadhihi min umur al-islam fa alladhi yad'i annahu muslim walakinahu ya'zil ash-shari'ah 'an al-hukm wa yuhakkim al-qawanin hadha laysa musliman. قال تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون قال يزعمون والزعم أكذب الحديث فدل على أن دعواهم ليست صحيحة يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فلا بد من الحكم بما أنزل الله أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا ويجعل محل ذلك القوانين فهذا ليس بمسلم ولو كان يزعم أنه مسلم. وهذا في القرآن: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. انظر يريدون وهو عبارة عن نية في القلب فقط، فكيف إذا نفذ فالأمر أشد، إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن. فكيف إذا نفذ. Donc le cheikh explique ici, il dit que celui qui est entré dans, il explique, il dit que le fait d'entrer dans l'islam en entier, ça implique d'appliquer et de juger selon la charia d'Allah. Et ça, ça fait partie des questions ou des choses qui ont rapport avec l'islam et qui font partie de l'islam. De juger selon la charia, il y en a des musulmans aujourd'hui, ils pensent que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Ils pensent que c'est quelque chose comme ça, recommandé, hein, ou surérogatoire, mais comme si c'est pas obligatoire pour eux. Il y en a d'autres qui pensent que d'appliquer la charia, ça veut dire seulement d'appliquer les peines lorsque quelqu'un a commis un crime ou des choses de ce genre, alors que bien entendu, la charia c'est beaucoup plus vaste que ça. Comme on l'a expliqué, la charia c'est l'islam en entier, c'est le Coran et la Sunna. Hein? Donc, d'appliquer la charia, c'est premièrement de croire en la aqida de l'islam et d'impliquer tous les aspects de l'islam, la tahara, la salat, la zakat, le hajj, le jeûne, le saum, hein, les règles de commerce, les règles de divorce, les règles de mariage, les règles de l'héritage, les règles de divorce, hein, et tous les autres aspects de la religion, le témoignage, le jugement, ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de la charia, c'est pas juste une partie ou un aspect. Donc on est ordonné dans l'islam de juger selon la charia d'Allah, et ça fait partie des obligations de l'islam. Et le cheikh il dit que celui parmi les musulmans qui prétend être un musulman, celui qui dit je suis musulman et qui prétend être musulman, puis par la suite il repousse la charia, hein, il repousse le jugement de la charia et il remplace la charia par l'application des lois et du droit inventé par les hommes. Peu importe quelle loi et peu importe quel droit, c'est pas nécessaire que ce soit nécessairement les lois d'Europe, les lois inventées par les Américains ou les Européens. Ça peut être aussi des lois faites par des hommes dans leurs coutumes ou dans leurs traditions, hein, ou dans leur pays. Ça peut venir d'Afrique, ça peut venir d'Asie, ça peut venir d'ailleurs. C'est pas obligé seulement d'être des lois européennes à cause de la colonisation ou des choses de ce genre, hein. Toute personne donc qui repousse la charia et qui juge par des droits faits par l'homme, le cheikh dit alors celui-là il n'est pas musulman. فَهَذَا لَيْسَ مُسْلِمًا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit n'as-tu pas vu celui qui prétend, et la prétention c'est le plus mensonger la plus mensongère des paroles. Donc ça prouve que cette personne-là elle prétend quelque chose et que cette chose-là, elle n'est pas correcte. Il dit, il prétend qu'ils ont cru en ce que Allah a fait descendre sur toi et ce qui a été révélé avant toi. Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors qu'ils ont été ordonnés de rejeter le Tarout et de ne pas y croire. Et le shaitan veut certes les égarer d'un égarement lointain. C'est le verset 60 encore dans Sourate An-Nisa. Le cheikh dit donc il faut absolument juger par ce que Allah a révélé. Ça vient réfuter toute personne qui se dit musulmane et qui veut se dire laïque en même temps. Quelqu'un qui dit par exemple moi je suis musulman mais je suis laïque, ça c'est une contradiction. Tu ne peux pas dire je suis musulman puis t'es laïque en même temps. Tu prends la loi des hommes et tu la mets à la place de la charia, tu dis on ne veut pas juger selon la loi d'Allah parce que Hein? La loi d'Allah, c'est quelque chose qui est révélé il y a 1400 ans, ok, et elle n'est pas applicable à notre époque. Eux, il y en a parmi ces gens-là, ils disent ça. On ne peut pas se baser sur cette loi-là pour juger aujourd'hui. Il faut une loi nouvelle. Et donc, ils veulent inventer des nouvelles lois pour gérer les questions qui ont rapport avec les relations entre les hommes. Des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes. Ils rendent légal ce qu'ils veulent et ils rendent illégal ce qu'ils veulent selon les désirs et les passions des gens, selon la démocratie par exemple, selon un vote ou des choses de ce genre. Dans les parlements, des choses de ce genre. Ils vont s'asseoir, ils vont voter. Est-ce que c'est permis de marier deux hommes ensemble? La majorité lève la main, alors oui, c'est permis, c'est licite. Est-ce que c'est permis que, par exemple, deux femmes se marient ensemble? Les gens lèvent la main, la majorité ont dit oui, ok, c'est devenu permis maintenant. Ça, c'est la loi que les hommes inventent. Ils rendent licite ce qui est illicite et ils rendent illicite ce qui est ordonné ou recommandé ou licite. Donc ça, c'est bien entendu une opposition à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh, il dit que ça, c'est pas correct, hein. Et il dit ici, celui qui prend le jugement par autre que la loi d'Allah, qui prend la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, disons, et qui l'enlève complètement, entièrement, c'est-à-dire yani, il prend la charia, il l'enlève au complet, entièrement, et puis il remplace ça par des lois autres. Le cheikh, il dit, dans ce cas-là, il n'est pas musulman. Il dit, et ça, même s'il se prétend musulman. Ça, c'est même s'il se prétend musulman. Et ça, c'est dans le Coran. Il dit, ne vois-tu pas celui qui prétend qu'ils ont cru en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout. Et le cheikh, il dit, regardez, Allah a dit, ils veulent. Et ça, c'est quelque chose qui exprime que c'est une intention dans le cœur seulement. Ils n'ont pas exécuté cette volonté-là encore. Ils ont seulement eu l'intention de le faire. Donc, s'ils l'ont exécuté, c'est encore plus grave encore. Ça, le cheikh dit, ça veut dire que uniquement d'avoir l'intention dans le cœur, hein, ça mérite cette menace. Alors, que dire de celui qui l'a mis en exécution? Et à propos de ce sujet-là, il est très important de comprendre que, bien entendu, les ulama de l'islam, ils ont divisé en catégories les personnes qui jugent par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et comme ça a été expliqué par le cheikh Al-Fawzan lui-même et par d'autres ulama, parmi les ulama de l'islam, que les gens qui jugent par autre que la loi d'Allah, ils sont divisés en quatre catégories. Il y a celui, par exemple, qui place la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah et qui dit que c'est meilleur. Celui-là, c'est un kafir. Il est en dehors de l'islam. Ensuite, il y a une autre catégorie. Celui qui dit non, c'est pas meilleur. La loi des hommes, elle n'est pas meilleure que la loi d'Allah. Elle n'est pas au-dessus, mais elle est à égalité. C'est la même chose. C'est équivalent. Celui-là aussi, les ulama ont dit, lui, c'est un kafir. Il est en dehors de l'islam. Parce qu'il a mis la loi des hommes et la loi d'Allah à égalité. Et ça, c'est kufr. Et il y a une autre catégorie ensuite. Ils ont dit non. La loi des hommes, elle n'est pas au-dessus de la loi d'Allah. Elle n'est pas équivalente non plus à la loi d'Allah. Mais c'est quand même permis et c'est accepté de juger par une loi qui est une loi faite par les hommes qui est opposée à la loi d'Allah. Ils ont rendu ça halal. Ils ont rendu le jugement par autre que la loi d'Allah licite. Et les ulama ont dit, à propos de cet individu-là, que c'est un kafir et qu'il a quitté l'islam. Ok? Et il y a une autre catégorie, c'est ceux qui ont dit non. La loi, le juger par la loi des hommes, ou autre que la loi d'Allah, c'est pas meilleur que la loi d'Allah. C'est pas équivalent que la loi d'Allah. Et c'est pas permis non plus. C'est haram. Et je reconnais que c'est un péché. Sauf qu'il tombe dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah, par injustice, par désir, par passion, par crainte, ou des choses de ce genre, hein, et il ne le rend pas licite, il ne le rend pas halal, et il reconnaît que c'est un péché et que le jugement d'Allah c'est obligatoire, celui-là, les ulama ont dit, lui, il ne sort pas de l'islam. Son kufr ne le fait pas quitter l'islam, ils ont dit que c'est un kufr qui est moindre que le kufr qui fait sortir de l'islam. Kufrun duna kufr. C'est un kufr qui ne fait pas quitter de l'islam, c'est-à-dire c'est un kufr mineur. C'est un kufr mineur. D'accord? Donc, les ulama, ils ont expliqué cette catégorie-là pour faire comprendre la distinction entre la voie des Khawarij et la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. Parce que si on classifiait pas les choses de cette manière-là, quelqu'un aurait pu déclarer kafir toute personne qui commet une faute ou une innovation ou un péché. Hein? On aurait dit, ah, lui c'est un kafir parce qu'il ne juge pas selon la loi d'Allah. Donc les salafs, ils ont distingué entre celui, hein, qui juge par la loi d'Allah en croyant que c'est meilleur, ou croyant que c'est équivalent, ou que c'est permis, et entre celui qui le fait par erreur, hein, comme le mujtahid qui donne une fatwa, mais qui donne sa fatwa contraire à la vérité, ou celui qui juge par autre que la loi d'Allah, par passion, hein, ou par désir, ou des choses de ce genre. Et la plupart des takfiriens aujourd'hui, les gens d'égarement parmi les khawarij qui déclarent les gouvernements musulmans kuffar, ils se basent sur ces versets-là pour essayer de dire que ces gouvernements-là sont des kuffars parce qu'ils ne les comprennent pas à la façon des salafs. Ils ne font pas la distinction entre les différentes catégories, entre les gens qui sont en dehors de l'islam, soit que ce soit un kuffar akbar ou un kuffar asrar. Hein? Et le cheikh Al-Fawzan ici, lui, il a mentionné une autre catégorie, et d'autres l'ont mentionné également, d'une catégorie, et ça c'est celui qui a complètement éliminé ou enlevé la loi d'Allah, puis remplacé ça par des lois autres que la loi d'Allah. Hein? Et c'est une catégorie, cheikh Al-Fawzan, il le mentionne ici, il dit, ceux-là sont des kuffars. Des koufars, parce que ils ont dit, celui qui fait ça, il n'est pas musulman. Même s'il se prétend musulman. Et il y en a des chouyours, effectivement, qui ont dit oui. Hein, si quelqu'un enlève complètement toutes les règles de la charia dans un pays, imagine quelqu'un qui est au pouvoir, là, aujourd'hui, il enlève tout, qu'est-ce qui a rapport avec l'islam et la charia, il remplace ça par autre chose. Des règles autres. Et celui-là, il y en a qui disent, celui-là, c'est un kafir, directement. Et il y en a d'autres qui ont dit, cet exemple-là, c'est pas possible. Il y en a d'autres qui ont dit, cet exemple-là, c'est pas possible, parce que c'est pas possible que quelqu'un l'enlève complètement toutes les règles de l'islam. Il faut quand même qu'il y en aura quelques-unes qui vont être en accord avec l'islam. Hein? Mais bon, de toute façon, c'est une question. Il y en a qui ont mentionné le cas de Kemal Atatürk. Qu'est-ce qu'il a fait en Turquie, des exemples comme ça, comme modèle. Mais bon, n'empêche que, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que le kouf de celui qui juge par autre que la loi d'Allah, c'est soit un kouf majeur ou un kouf mineur, selon la situation de la personne, selon qu'est-ce qu'elle a dans le cœur aussi. Hein? Et ce cas-là qui est mentionné, c'est un cas hypothétique. Hein, qui est très rare dans la réalité, hein, qui est très rare, et c'est dans l'histoire de l'islam, on n'a presque jamais vu des cas pareils. Qu'un dirigeant, il va prendre la loi islamique, il va l'enlever au complet, puis il va remplacer ça par quelque chose d'autre. Donc, c'est juste un exemple que les ulama donnent pour faire comprendre la question, en fait. Hein, même si c'est pas nécessairement que ça va se produire. Ok. Wallahu a'lam. Hein? Ensuite, le cheikh il donne un autre verset. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un autre verset. Le premier verset c'est Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffatan. verset 208 dans Sourate Al-Baqarah. Dans le verset, le troisième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 159 dans Sourate Al-An'am. Le cheikh il mentionne donc ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Il dit: et ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes ou des groupes, tu n'as rien à voir avec eux. لست منهم في شيء. Cheikh Al-Fawzan il explique: هذا فيه النهي عن التفرق في الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات هذا ذم وتحذير فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد هم حزب الله وجند الله فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات وكل يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته ويضلل الآخرين وينتقص الآخرين هذا لا يجوز بين المسلمين هذا من أمور الجاهلية المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le Cheikh explique, il dit que dans ce verset, le verset 159 dans Al-An'am, il y a une interdiction de se diviser dans la religion. Il dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dit dans le verset, ce qui signifie que ceux qui se divisent dans leur religion et qui deviennent des sectes ou des groupes, c'est-à-dire shi'an, c'est-à-dire qu'ils deviennent des groupes, des fractions, des parties. Ça, c'est un blâme que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait, une critique, et c'est un avertissement. Donc, les musulmans, ils doivent comprendre qu'ils ne sont qu'un seul groupe. Les musulmans ne sont qu'un seul groupe. Un seul parti. C'est comme il dit, comme les koufars ils disent, un parti unique. Ben, les musulmans, c'est un parti unique. L'islam, c'est un parti unique. Une communauté, une jama'a, une umma. Il n'y a pas plusieurs partis, plusieurs groupes. Ce n'est pas permis qu'il y en ait. Hein? Parce que c'est interdit dans l'islam de se diviser dans la religion, dans la croyance, dans les principes. Le cheikh il dit donc que les musulmans sont une seule jama'a, un seul parti, hein, un parti unique. Et ils sont, donc les musulmans représentent le parti d'Allah et l'armée d'Allah. Hein? Et ils ne doivent pas se diviser en groupes et en partis. Chacun invite à son parti et à son groupe ou à son association ou à son organisation. Ça, c'est pas permis. Quand est-ce que, bon, il y en a des musulmans qui vont dire, par exemple, il y en a, ça arrive souvent, ils disent, ouais, mais dans l'islam, on a le droit de faire des organisations et des associations. La preuve, hein, regardez maintenant, à Montréal, par exemple, combien il y a de mosquées, combien il y a d'associations, combien il y a d'organisations. Donc, ils disent, donc ça c'est la preuve que c'est permis. Ils utilisent ça comme exemple pour essayer de prouver que c'est permis de le faire. Est-ce que, de toute façon, bon, supposons qu'on va accepter leur argument. Est-ce que ça c'est une preuve, premièrement? Est-ce que ça c'est une preuve, le fait que des musulmans font quelque chose, est-ce que ça prouve que c'est permis? Non. Le fait que des musulmans font quelque chose au nom de l'islam, ça ne veut pas dire que c'est permis. Il y a des gens aujourd'hui qui font toutes sortes de choses au nom de l'islam, pourtant ce sont des choses haram, contraires à l'islam. Donc ça c'est de un. Deux, le fait qu'il y ait des associations et des groupes, s'ils sont réellement sur la vérité, sur l'islam, ils vont, ces associations-là vont être sur une seule et même croyance et une seule et même compréhension de l'islam. Donc en réalité, ils ne sont qu'un seul et même groupe et non pas plusieurs groupes. Mais si ils sont divisés entre eux avec différentes croyances et différentes méthodologies et différentes façons de comprendre l'islam, là, ça veut dire qu'ils sont divisés dans la religion et ils sont devenus des sectes. Ça, c'est pas la même chose. Hein? Supposons qu'il y a une mosquée comme par exemple Dar al-Arqam et une autre mosquée par exemple comme Farouk, hein, qui ont comme principe par exemple que la base c'est le Coran et c'est la Sunna, c'est la compréhension des salafs, et qu'ils suivent cette compréhension là et qu'ils collaborent ensemble et qu'ils travaillent ensemble pour la vérité et pour l'islam. Dans ce cas là ça veut dire qu'ils sont en réalité une seule et même groupe, une seule et même organisation. La même chose pour tous les autres qui respectent ces conditions-là, c'est-à-dire ils comprennent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs et ils retournent aux ulama du Coran et de la Sunna pour régler les désaccords et pour comprendre les questions. Dans ce cas-là, on est sur la même voie. Mais si dans différentes organisations ou différents groupes, il y en a un par exemple, il a la Aqida Ash'ariya, l'autre groupe il a la croyance des Soufis, l'autre groupe il est sur la tendance des Ikhwan al-Muslimin, l'autre groupe il suit Jama'at al-Tablir, l'autre groupe il suit une croyance ou une tendance des Mu'tazila, hein, et l'autre groupe il a la compréhension des Takfiriyin et des Khawarij, hein. Ah ben là on va dire non, là vous êtes devenus des groupes et des sectes et vous vous êtes divisés dans la religion, et ça c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné justement à ce sujet-là que ceux qui font ça sont, n'ont rien à voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lesta minhum fi shay. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète, tu n'as rien à voir avec eux. Bon, on va continuer à lire maintenant l'explication du cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Donc, il dit, si les musulmans se divisent en groupes et en organisations, chacun appelle à son organisation et à son groupe et il déclare les autres dégarés et il rabaisse les autres. Ça, c'est pas permis entre les musulmans et il dit que ça fait partie des affaires de la jahiliya. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici, par exemple, c'est que, qu'est-ce qui est étonnant, c'est ça. C'est qu'on a des différents groupes, des différentes organisations. Chacun de ces groupes-là, ils ont des croyances différentes. Et ils ont des méthodologies différentes pour comprendre l'islam. Et ils suivent différentes bid'ahs. D'accord? Et qu'est-ce qui est étonnant maintenant, c'est que, malgré ces divergences et ces différences-là entre eux, ils appellent les musulmans à ne pas se critiquer les uns les autres et à se taire sur les divergences qu'ils ont et à dire, on va quand même, malgré nos divergences, travailler ensemble. Pourquoi ? Travailler soi-disant pour atteindre un objectif ou atteindre un but commun qu'on s'est établi. Et ça, c'est cette tendance qu'on a vu apparaître avec les idéologies des Ikhwan. Les Ikhwan qui ont comme slogan, hein, يعني نتعاون فيما بيننا أو نتعاون فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. Donc on va travailler ensemble dans qu'est-ce qui nous unit, dans qu'est-ce qu'on est d'accord, puis quand on est dans désaccord sur quelque chose, on s'excuse, hein. Donc qu'est-ce qui arrive, tu vois des gens avec des croyances différentes, des tendances différentes et même des fois des religions différentes. Ils sont tous ensemble, main dans la main, font des activités, des conférences, des programmes, des organisations. Ils construisent des mosquées, ils construisent des écoles maintenant. Hein? Et malgré tout, ils sont tous divergents. Chacun, ils ont une idée différente de l'autre. Et chacun, en lui-même, pense que l'autre est égaré, mais personne ne dit rien. Et personne ne critique l'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un objectif, soi-disant. Ils ont un but. Hein, ils disent, ah, on est dans un pays de kouf, on est une minorité, on veut arriver à obtenir certaines, hein, certaines faveurs, un certain pouvoir, une certaine force. Puis qu'est-ce qui va arriver à la fin? C'est que lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient ou qu'ils arrivent à leur objectif, là ils vont tous, chacun de ces groupes vont sortir leur vrai visage. Ils vont commencer à attaquer l'autre, critiquer l'autre et vouloir écraser l'autre. Et ça s'est produit dans d'autres pays musulmans où ces gens-là, avant d'obtenir leur... Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir avant ça? Ils disaient rien, ils critiquaient rien, ils critiquaient personne. Tout le monde pensait que tout le monde était avec les autres. Du moment qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ah là, les couteaux sont sortis, les fusils sont sortis, les mitraillettes sont sorties, et les gens commencent à se tirer, se tuer les uns les autres, jusqu'à ce que le plus fort d'entre eux prenne le dessus sur les autres et les écrase tous. Ça, c'est la réalité de ces gens qui appellent à ces méthodologies et ces idéologies des gens d'hypocrisie et de caméléons politiques, diplomatiques, des groupes de Hizbiyya et des groupes politiques soi-disant islamiques aujourd'hui. Donc, le cheikh, il dit, ça, c'est pas permis entre les musulmans, et tout ça, ça fait partie des groupes, hein, des situations des gens de la Jahiliya. Ça, on le voit ici parce que dans des pays comme ici, ils acceptent les différents groupes, les différents partis. Ici, n'importe qui peut venir ouvrir son association, ouvrir son organisation. Donc, ils le font en plein jour ouvertement. Mais dans d'autres pays où c'est interdit de faire des groupes, des associations, ils le font, mais en cachette. Puis ils travaillent en groupe, ils appellent à leurs idées, mais sans le dire ouvertement. Sauf que tu reconnais par leur discours, par leur tendance. Hein? Donc, le cheikh dit, on n'a pas le droit, entre les musulmans, de se diviser de cette manière. Ça fait partie des comportements des gens de la Jahiliya. Les musulmans doivent être une main, une seule main, hein, une seule jama'a, un seul parti. Et s'ils ont une divergence entre eux, ils doivent revenir au Coran et à la Sunna, comme Allah leur donne. Allah dit dans Surat An-Nisa, le verset 59, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure compréhension ou d'une meilleure conclusion. Et donc, le cheikh, il dit, فَالْوَاجِبْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً وَاحِدَةً وَحِزْبًا وَاحِدًا وَإِذَا اخْتَلَفُوا يَتَحَاكَمُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. فلا يقول كل واحد منهم نبقى على ما نحن عليه وما نرجع عما نحن عليه وهذا من أمور الجاهلية. Qu'est-ce qui, yani, comme le cheikh il dit, l'obligation pour les musulmans, c'est d'être une seule jama'a et un seul parti. Et s'ils divergent, ils reviennent au livre d'Allah et au messager, sallallahu alayhi wa sallam, à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour juger entre eux. C'est pas chaque groupe qui reste sur ce qu'il a lui-même. Hein, un groupe dit, nous on garde qu'est-ce qu'on a comme principe, et les autres disent, nous on garde qu'est-ce qu'on a comme principe. Ça fait partie de la jahiliya. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, chacun de ces groupes-là, ils déclarent l'autre égaré, ils déclarent l'autre mécréant, hein, ils se détestent mutuellement, ils se combattent mutuellement. Ça, c'est à la base. Mais comme j'ai dit, maintenant, ils ont développé d'autres méthodes ou d'autres idéologies qui font qu'ils collaborent entre eux. Et ça, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose qu'on remarque maintenant entre eux et qui, en fait, c'est étonnant. Yani, le cheikh, il dit, c'est obligatoire pour les musulmans d'être une seule jama'a. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui ont ce manhaj, qui appellent les musulmans, soi-disant, à collaborer entre eux, malgré leurs divergences? C'est qui est-ce qu'ils attaquent? Les seuls qu'ils critiquent et les seuls qu'ils attaquent sont ceux qui leur disent que c'est interdit d'être divisé dans la religion. Et qu'est-ce qu'ils disent à leur sujet, en particulier au sujet des salafis, parce que c'est eux qui appellent à l'unité et à s'unir sur la croyance et sur le manhaj et sur la méthodologie? Ils disent quoi à leur sujet? Ils disent, Vous vous divisez les musulmans. Subhanallah. Nous, on appelle les musulmans à s'unir, et comme par hasard, on nous accuse de vouloir les diviser. Alors que eux, ils disent, restons divisés, chacun de notre côté avec nos différences et nos différentes croyances. Chacun, on pense qu'on est sous la guidance et que l'autre est dans l'égarement. C'est pas grave, on s'excuse. Hein? Ceux-là, ils appellent soi-disant à l'union et à s'unir, entre guillemets. S'unir sur quoi? Allahu a'lam. Mais pas sur, s'unir sur tout, sauf le Coran et la Sunna et la aqidah des salafs et le manhaj des salafs. Donc, ceux qui appellent à s'unir sur la vérité, on les accuse de vouloir diviser les musulmans. On les accuse de vouloir faire des problèmes, de vouloir faire de la fitna. Hein? Quand on dit, par exemple, il faut revenir à la compréhension des salafs salih. Il faut revenir à la compréhension des sahaba de l'islam. Comment eux, ils ont compris l'islam? Comment eux, ils ont compris la aqidah? Ah, toi, tu veux diviser les musulmans? Toi, tu penses que c'est juste toi qui as compris l'islam? Toi, tu penses que c'est juste toi qui connais? Hein? Tu penses que c'est juste toi qui es bien guidé? Tout le monde est égaré sauf toi? Non. Moi, je dis, tout le monde est égaré, hein? Sauf celui qui suit la voie des salafs. C'est ça que je dis. Si moi je suis la voie des salafs, Inch'Allah, je suis bien guidé. Si je suis sur la bonne aqidah, je suis bien guidé. Mais si je ne suis pas la voie des salafs, peu importe combien de personnes me suivent, je suis dans l'égarement. Ce n'est pas une question de nombre ou de quantité. C'est une question de principe et de règles et de fondements. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ont renversé les choses à l'envers, comme le cheikh il le dit ici. Donc c'est pas chacun il garde qu'est-ce qu'il a comme position. Ah, ça c'est mon opinion. Si toi t'es pas d'accord, c'est ton problème. Hein? Si c'est des questions d'ijtihad entre les ulama, sur des questions d'ijtihad, parce que des ulama ont divergé dans la compréhension de certains versets dans le Coran ou de certains hadiths, hein? Ou qu'ils ont divergé sur l'authenticité de certains hadiths ou des choses de ce genre, et que ce sont des grands ulama et qu'ils ont fait des ijtihadats et qu'ils ont divergé là-dessus, et qu'il n'y a pas d'ijma, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Chacun va suivre ce qu'il considère comme étant la vérité pour lui selon les preuves qui lui sont apparues et selon le niveau de sa connaissance. Mais lorsqu'on parle des fondements et des bases de l'aqidah et des principes de l'islam, et des choses sur lesquelles il y a des consensus entre les imams, des salafs et des ulama de la umma, et toi tu viens aujourd'hui, tu dis, ah non, on peut s'excuser dans nos divergences, et que non, quand tu les appelles à revenir à ces principes et à ces fondements, ils disent, toi tu veux diviser les musulmans, laisse chacun faire ce qu'il veut, ah ben là non, il y a un problème. Tu ne peux pas dire par exemple au Rafidi, qui est en train d'insulter Abu Bakr et Omar et Othman et Aïcha radiallahu anha et radiallahu anhum, tu dis, ah, on va s'excuser parce qu'on a des divergences, ce sont nos frères musulmans, ils prient, ils jeûnent comme nous. Subhanallah, hein? Ils déclarent les sahaba kuffar, hein? Et après tu vas dire, ça c'est une petite divergence entre nous, c'est comme divergence entre l'imam Malik et l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmad ou Abu Hanifa. Non. Ça, c'est dans les fondements de la religion. Tu ne peux pas comparer ces deux choses-là. Donc, on a malheureusement des gens aujourd'hui qui jouent avec la religion de cette manière-là et qui comparent des choses qui ne sont pas comparables et qui veulent tromper les gens et les endormir justement avec ce genre de comparaison incorrecte. Le cheikh dit « وَقَوْلُهُ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ هَذِهِ بَرَاءَةٌ برأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني جماعات فالمسلمون جماعة واحدة لا انقسام ولا تفرق والنزاع والخلاف سيحصل ولكن يحتم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كان معه الصواب رجعنا إليه ومن كان على خطأ يرجع عن خطئه ولا يتعصب لرأيه أو حزبه أو جماعته هذا شأن المسلمين. الشيخ الزي que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ensuite, ceux qui ont yani, divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Ça, c'est un désaveu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il déclarait le désaveu de son prophète par rapport à toutes ces sectes. Il innocente, hein, il dit, tu n'as rien à voir avec tous ces sectes-là, ils n'ont rien à voir avec toi et tu n'as rien à voir avec eux. Hein? C'est ça que ça signifie. Donc, dans le verset, on voit que le mot qui est utilisé, وَكَانُوا شِيَعْ, hein? وَكَانُوا شِيَعْ. شِيَعْ, c'est le pluriel de شِيَعْ. Et شِيَعْ, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fraction, un groupe. Hein? C'est un mot arabe. Shia. Le pluriel de Shia, c'est Shia. Et dans ce verset-là, c'est le mot qui est utilisé, Shia. Hein? Allazina farraqu dinahum wa kanu Shia'an. Donc les gens maintenant aujourd'hui, on a l'habitude d'entendre la secte des Shia, ce qu'on appelle les Shia. Bon, les Shia à la base, le mot Shia, c'est pas quelque chose qui veut dire une secte religieuse. C'est pas une secte spécifique. Ça veut dire un parti, ou un groupe, ou une fraction. Et, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça même à propos des prophètes. Hein? Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Hein? Donc, justement, les Shia, ils utilisent ça comme argument pour montrer que on est sur la vérité, parce que Allah il mentionne que parmi les partisans, il y a parmi les ses partisans Ibrahim ou ainsi de suite, ou comme ça par rapport à d'autres prophètes. C'est parce que ça c'est le sens linguistique du mot Shia, c'est-à-dire un groupe ou un parti. Hein? Donc on peut dire que nous les musulmans, hein, on peut dire Shia tout l'islam, on est le groupe de l'islam où on est les croyants à l'islam. Donc ça c'est correct. À l'époque des Sahaba, quand il y avait la fitna, eh ben ils disaient Shia tu Ali et Shia tu Muawiyah. Il y avait le parti de Ali et le parti de Muawiyah. Et pourtant c'était pas deux sectes, c'était deux parmi les groupes qui faisaient partie des Sahaba, hein, et qui avaient une divergence entre eux. Et cette divergence là c'était même pas une divergence dans la croyance, hein, c'était une divergence d'opinion et d'ijtihad. D'accord? Donc, l'aspect péjoratif ou négatif de l'utilisation du terme Shia est venu par la suite. Hein? Et aussi dans ce verset-là, on le voit aussi, l'interdiction de devenir des Shia lorsque ça implique le fait de se diviser dans la religion. Comme les gens du livre se sont divisés, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés parce qu'ils se sont divisés après avoir reçu la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être comme eux et de leur ressembler. Hein? Donc, yani kanu shi'an, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être en groupe et en parti, et de se diviser dans la religion et dans la croyance et dans les principes. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui les Shia, ceux qu'on appelle Shia, la vraie appellation qu'on doit utiliser pour les désigner, c'est pas Shia, c'est les Rafida. C'est la secte des Rafida. Parce que les Shia sont divisés en plusieurs sectes. Et il y en a parmi eux qui sont modérés, et il y en a d'autres qui sont extrémistes, et il y en a d'autres qui sont ésotériques, qui sont égarés graves. Donc, ils sont par degrés, les Shia. Et j'ai fait des cours sur Paltalk, 25 cours sur la secte des Rafida. J'ai expliqué le développement de cette secte et leurs croyances. Et après, par la suite, j'ai expliqué même certains liens que les Ikhwan ont avec les Rafida par la suite, pour faire comprendre un peu pourquoi certains musulmans ont des ambiguïtés par rapport à leur position envers eux. Mais c'est pour faire comprendre que le vrai terme qu'on doit utiliser pour désigner les Shia aujourd'hui, c'est pas le terme Shia, parce que eux, ils aiment jouer avec cette appellation-là pour dire nous on est des Shia, pour faire croire que il y a rien de mal de se dire justement Shia, chiite ou quoi. Mais quand tu dis Rafida, là ils n'aiment pas ça. Parce que on sait exactement de qui on parle. Et les imams de l'islam et des salafs, ils ont désigné les Rafida. Ils ont montré que ce sont des kuffars à cause de leurs croyances et de leurs principes. Donc c'est pour ça que il est important de les désigner par ce terme-là. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que il faut comprendre que le terme Shia, c'est pas nécessairement comme certains pourraient s'imaginer que c'est la secte des Shias seulement. Il n'y a pas que la secte des Shias qui est égarée dans parmi les sectes qui se disent musulmanes. Hein? Il y a les soufis, il y a les par exemple Ash'ara, il y a les il y a les Qadianiyya, c'est des kuffars, ils croient qu'il y a un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et en passant, ils ont la plus grosse mosquée au Canada, soi-disant mosquée. Ahmadiyya et Qadianiyya, en fait, c'est la même chose. Ok? Et ils ont même un village quelque part dans le Canada, là. Ils appellent ça Madinatu Salam ou quelque chose comme ça. Et toutes les maisons, c'est leur maison, c'est leur quartier, ils ont leur quartier à eux et tout. Et justement, le gouvernement canadien et beaucoup d'organisations, ils les défendent, ils les protègent, hein, ils les aident même dans leur propagation de leur mécréance et de l'égarement qu'ils ont. Donc il y a les Ahmadiyya, ça c'est un exemple. Sinon, il y a aussi les Mu'tazila, il y a les Khawarij. Toutes ces sectes-là sont des chiens. Hein, ils font partie des sectes. Il y a des gens qui se sont divisés, hein, qui sont devenus des groupes. Donc c'est pas juste les Shia, comme on appelle les Rafida, qui sont une secte d'égarement. Tous ces groupes-là sont des sectes d'égarement, comme les Ikhwan al-Muslimin aussi, hein, les Tabligh. La Aqida des Sururiyya, c'est un mélange de la du principe et des fondements des Khawarij et également des Ikhwan. Donc, et puis certaines, ils essaient de se prétendre salafis, mais en même temps, en réalité, ils n'ont rien à voir parce qu'ils font le takfir des dirigeants, ils rabaissent les ulamas d'Ahl Sunna et les insultent, hein, et ils élèvent les gens de Bid'ah, ils leur font leurs éloges, ils élèvent les groupes de Bid'ah également. Donc, il y a ces aspects-là. Puis, ils ont beaucoup d'autres problèmes aussi, ils défendent les groupes de terrorisme et tout ça. Hein. Et donc, en tout cas, les Sururiyya, il y en a beaucoup comme ça ici à Montréal et ailleurs. Aussi, il y a les Qutbiyya. Qutbiyya, c'est ceux qui défendent les idéologies de Sayyid Qutb et d'autres également. Donc, ça, c'est de ces tendances-là. Donc, le Cheikh, il dit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a innocenté son messager de tous ces groupes-là, de toutes ces sectes-là, et il a expliqué que les musulmans sont une jama'a, un groupe unique, et il n'y a pas de division ou de fraction ou de section à l'intérieur de cette jama'a. Hein? C'est une seule jama'a et elle est une jama'a unique, et il n'y a pas de section à l'intérieur ou de partie ou de groupe ou de scission ou de quoi que ce soit d'autre. Ok? Le cheikh, il dit, la divergence, s'il y en a, et c'est sûr qu'il va y en avoir de temps en temps, elle doit être réglée par le fait de revenir au jugement du Coran et de la Sunna. Hein? Donc, quand on retourne, quand on a une divergence entre nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au Coran et à la Sunna pour juger dans notre dispute ou dans notre désaccord. Et celui, si on arrive à la conclusion qu'un tel, c'est lui qui a raison, alors on le suit. Et on abandonne ce qu'on suivait et on suit ce qu'il a amené. Hein? Et si on réalise que on était sur une erreur, on abandonne notre erreur et on suit la vérité. On ne va pas devenir fanatique, hein, et s'accrocher obstinément à notre opinion, hein, ou à notre parti ou à notre groupe alors qu'on a compris qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils ont fait quelque chose qui est incorrect. Donc le musulman, c'est comme ça qu'il est. Quand on a une divergence, on retourne au ulama, on retourne au Coran et à la Sunna, et aux ulama qui jugent selon le Coran et la Sunna pour trancher cette divergence-là entre nous, peu importe qui on est. Hein? Toi, on a des problèmes, par exemple, toi, n'importe quel d'entre nous, on a une divergence avec quelqu'un sur des questions de religion, sur des questions de aqidah, sur des questions de manhaj, on retourne aux ulama. On dit, ok, t'es pas d'accord avec moi sur ce point-là, moi je suis pas d'accord avec toi, donc, étant donné qu'on n'arrive pas à s'entendre, on doit ramener cette divergence-là à qui? À Allah et à son messager, comme Allah dit dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, on va ramener ça au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire aux ulama d'Ahl Sunna, ceux qui connaissent le Coran et la Sunna, et eux, ils vont trancher sur ces questions-là. Si il nous montre les choses et il nous clarifie les choses et qu'on voit que c'est toi qui as raison, on va suivre ce que tu disais. Si il tranche et il nous montre que c'est moi qui avais raison, on va abandonner ce que tu vas abandonner ce que tu suivais et tu vas revenir à ma position. Et si il nous tranche et dit nous deux on est dans l'erreur, donc on va laisser tous les deux notre position et suivre qu'est-ce qu'il va nous montrer de la vérité du Coran et de la Sunna. Hein? Si ça, le cheikh dit ça, c'est le comportement et l'attitude des musulmans. Si nous, les musulmans, on agit comme ça, on n'aura jamais de problème. On n'aura jamais de division entre nous. Le problème, c'est que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que on s'accroche obstinément à notre idée, à notre position, et on persiste dedans. Et c'est ça qui crée des groupes et des divisions et des égarements par la suite. Donc, le cheikh ensuite il mentionne une parole d'Abdullah ibn Abbas. Il dit wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Tabyaddu wujuh ahli as-sunnah wal-ikhtilaf wa taswaddu wujuh ahli al-bid'ah wal-ikhtilaf. Ça c'est une parole d'Abdullah ibn Abbas pour expliquer ce verset dans sourate Al-Imran, le verset 106. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit le jour où certains visages deviendront éclatants et certains visages yarhamukallah et certains visages seront assombris. Abdullah ibn Abbas, comment il a expliqué ce verset là? Il a dit ça c'est les visages des gens de la sunna et du rassemblement et ces visages-là vont s'éclairer. Ils vont être éclatants. Et le visage des gens de la bid'a et de la division, il va s'assombrir, il va devenir sombre. Hein? Donc ça, c'est l'explication de Ibn Abbas à ce sujet-là. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique. هذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين يرحمك الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله هو القرآن والإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا إلى جماعات وأحزاب نهى عن التفرق واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا نهى عن التفرق في أول الآيات ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اختلفوا وتفرقوا وعندهم الوحي المنزل ولم يتحاكموا إليه بل كل يتعصب لرأيه فأولئك لهم عذاب عظيم. Le Sheikh explique, il dit que le verset que Abdullah ibn Abbas a expliqué, le verset 106 dans Surat Al-Imran, il vient à la suite des versets suivants dans la Surah. Et ce sont tous des versets dans Surat Al-Imran qui nous ordonnent de ne pas nous diviser et qui nous ordonnent de nous unir sur la vérité et yani. On va voir donc les versets en question à partir du verset 100. Hein? Le cheikh il commence à les citer. Le verset 100, ça dit « Oh vous qui avez cru, obéissez à... pardon. Si vous obéissez à un groupe parmi les gens qui ont reçu le livre, ils vont vous faire retourner à la mécréance après que vous ayez eu la foi. » Donc si vous obéissez à un groupe parmi les gens du livre, ils vont vous faire revenir à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Ensuite, il dit, et comment pourrez-vous, et comment vous allez rejeter la foi alors que les versets d'Allah vous sont cités, hein, vous sont récités, et que parmi vous, il y a son messager. Et quiconque s'accroche fermement à Allah, alors, hein, quiconque s'est cramponné fermement à Allah, alors il a été certes guidé au droit chemin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez que en étant musulman. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ça c'est les versets 100 à 103. Ensuite il dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah. Le câble d'Allah c'est le Coran. Et c'est l'islam, et c'est le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cramponnez-vous à ça, et ne vous divisez pas. C'est-à-dire, ne vous divisez pas en groupe et en partie. Hein? Allah interdit la division. Hein? Il y en a qui disent aujourd'hui, hein, que il faut, hein, il y en a qui disent, l'islam accepte la diversité, l'islam accepte le multipartisme. Et l'islam accepte le pluralisme. Hein? Vous entendez des prêcheurs aujourd'hui qui sont en train de dire ça. Donc ils sont en train de dire quoi? Qu'il peut y avoir des groupes divergents et des divergences et des différents partis, différentes organisations, c'est pas grave. Hein? Même s'ils ont divergences dans leurs croyances, dans leur manhaj, dans leur méthodologie, ça c'est pas grave. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ces différentes organisations-là se complètent les unes les autres. Et que chacune remplisse une part de ce que l'autre doit remplir, hein, en voulant dire qu'elles sont, hein, complémentaires. Et ça, c'est complètement faux, hein. Pourquoi? Parce qu'elles ont des divergences dans leur fondement et dans leur compréhension de l'islam et dans leur façon de comprendre les textes de l'islam, hein. Alors que les salafs, eux, ils n'étaient pas dans cette situation-là et ils ne divergeaient pas dans les fondements de la croyance et dans les principes de l'islam, dans les bases. Donc, il n'y a pas de problème, Harry. Barakallahu fik. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est interdit de se diviser. Donc, ça, c'est la preuve que ceux qui appellent au pluralisme et au multipartisme et tous ces trucs-là, au nom de l'islam, ça c'est une fausse prétention. Ceux qui prétendent qu'il faut accepter la diversité, hein, et ces choses de ce genre, Allah al-Musta'an. Il y a des koufars maintenant qui incitent à ces choses-là et qui invitent à ces choses-là. Et même, il y a la chaire d'études, soi-disant, chaire d'études sur l'islam et le pluralisme à l'Université de Montréal. Hein, et c'est le responsable de cette chaire, celui qui est responsable de cette chaire dans la section des sciences religieuses, c'est un chrétien, hein, et c'est un kafir. Donc c'est pour dire que ces idées de pluralisme, de diversité, trucs comme ça, sont prêchées maintenant par de la part de certains prêcheurs qui se disent musulmans, et même que les koufars subventionnent des recherches et des études justement pour que les musulmans aillent dans cette voie-là. Puis on voit que ces individus-là surtout collaborent et travaillent en parallèle avec toutes les soi-disant organisations musulmanes qui appellent au dialogue interreligieux, puis au dialogue de rapprochement entre les différentes croyances. Et dernièrement, ils ont fait des conférences ici à Montréal. Avant que je parte, la dernière fois, il y avait un colloque qui était organisé. Ça s'appelait Trait d'Union Islam-Christianisme. Ça s'appelait Trait d'Union Islam-Christianisme. Il y avait une série de conférences organisées justement sur ces affaires-là. Donc moi, je vais régulièrement sur le site de temps en temps pour voir c'est quoi leurs activités, c'est quoi les sujets sur lesquels ils font des conférences pour voir justement qu'est-ce qu'ils font comme ça. Et puis tu vois que c'est en opposition totale avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans le Coran. Et il y a beaucoup de musulmans qui se laissent tromper par ce discours-là. Le cheikh dit ensuite, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Donc, et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous, rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous, lorsque vous étiez des ennemis, et il a rassemblé vos cœurs, et vous êtes devenus par sa grâce des frères. C'est-à-dire, vous étiez, à l'époque, les ulamas, ils ont expliqué dans le tafsir de ce verset-là que à Médine, il y avait deux tribus. Al-Aws ou Al-Khazraj. C'était deux tribus. Et elles étaient toujours en guerre l'une avec l'autre. Et quand ils ont accepté l'islam, ils sont devenus des frères et on les a appelés des Ansar. On les a appelés des Ansar. Donc, Al-Aws ou Al-Khazraj, ça a été effacé. Et toutes les disputes et les guerres qui existaient entre eux ont été effacées parce qu'ils ont accepté le tawhid. Ils sont devenus des frères à cause de ça, par la grâce d'Allah. Donc il dit, et vous étiez sur le bord d'un gouffre de feu et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah clarifie pour vous ces signes pour que vous puissiez être guidés. Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui invite au bien, qui ordonne le bien et qui interdit le mal, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit la division au début de ces versets, quand il dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Et ensuite, il nous interdit de ressembler aux peuples qui nous ont précédés, qui se sont divisés dans leur religion. Il dit « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. » Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés dans la religion et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient parvenues. C'est-à-dire, ils ont divergé, se sont divisés, alors qu'ils avaient une révélation avec eux. Ils avaient reçu une révélation et ils n'ont pas jugé selon cette révélation-là. Qu'est-ce qui est arrivé à la place? C'est que chacun s'est accroché fanatiquement à son opinion. Et ceux-là, ils auront un dur châtiment. « وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. » Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit « الَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَتَفَرَّقُوا وَتَرَكُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ لَمْ يَرْجِعُوا لِحَسْمِ الْخِلَافِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ كُلٌ بَقِيَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَتَرَكُوا الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ واكتفوا بمناهجهم ومذاهبهم وأقوالهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. هذا مآلهم يوم القيامة فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون لآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة والذين اجتمعوا على الحق وحسموا نزاعهم بالدليل هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ceux-là, ils auront eux deux châtiments, ceux qui restent sur leur position, parce que ce sont ceux qui ont divergé entre eux et qui se sont divisés et qui ont abandonné ce que Allah a révélé. Ils ne sont pas revenus au Coran et à la Sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam pour régler la divergence qu'ils avaient. Chacun est resté sur sa position et ils ont abandonné le livre qui a été révélé. Ils se sont limités à suivre leur méthodologie et leur voie et leur position. Hein? Et c'est ça que beaucoup d'entre eux aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils disent non, chacun il a sa voie, chacun il a sa secte, et tu peux prendre celle que tu veux, tu peux prendre la voie que tu veux. Il n'y a pas une qui est vraie. Et ils voient les salafis, ils disent ah, vous les salafis, vous prétendez que c'est vous qui avez la vérité seulement. Et ils détestent quand on leur cite le verset des 73 sectes, le hadith des 73 sectes. Hein, ou le hadith du groupe sauvé, ça les enrage. Hein, parce que le hadith des 73 sectes, il spécifie qu'il y en a une seule qui va au paradis et que les 72, elles vont en enfer. Donc ça veut dire que tu es obligé de suivre une seule voie. Tu ne peux pas suivre n'importe laquelle. Et eux, c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'on est obligé de suivre une en particulier. Ils veulent avoir la liberté de dire chacun peut suivre celle qu'il veut. C'est comme le soufi quand on l'a rencontré une fois, hein, un des soufis, on l'a rencontré, il dit non, j'ai dit mais pourquoi d'abord il y a toutes ces toruq différentes? Il a dit non, elles sont toutes bonnes, elles sont toutes correctes. Hein? Il dit mais comment ça se fait que chacune d'entre elles ait dit que l'autre est égarée? Il a dit non, ils disent pas ça. Hein? Et après je lui dis mais comment ça se fait, vous dites que celui qui rentre dans la tariqa tijaniya, il peut pas suivre un autre cheikh de notre tariqa. Non, parce que nous on a la voie directe entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc ça vient contredire ce que tu disais auparavant. Tu dis qu'ils s'acceptent tous et après tu dis nous on a la voie directe. Toutes les turuq soufiyas prétendent qu'elles ont la voie directe jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elles sont toutes en train de se contredire les unes les autres. Et déjà à la base, juste logiquement, hein, pure logique, est-ce que deux choses contradictoires peuvent être vraies en même temps? Deux choses qui s'opposent peuvent être vraies en même temps? Hein, mes gars? Parce que hein, t'enseignes l'intelligence artificielle, je sais pas, peut-être dans l'intelligence artificielle il y a une logique différente là qui permet ça. En tout cas, impossible. Bon, alhamdulillah, hein, shahid à shahid. Hein? Un témoin, il a témoigné. Donc ça veut dire que si deux choses sont contradictoires, elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Une doit être vraie, l'autre doit être fausse. Mais il y en a qui veulent qu'on accepte la contradiction à notre époque et qui veulent qu'on soit satisfait de ça. Donc le cheikh dit, juste après avoir mentionné tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où des visages deviendront éclatants et d'autres visages deviendront sombres. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit, radiallahu anhuma? Il dit le jour où les visages des gens de Ahlus Sunnah, hein, et de l'unité, du rassemblement vont s'éclaircir, et le visage des gens de la divergence, de la division et de la bid'a vont s'assombrir. Ça, c'est leur destination au jour de la résurrection, leurs visages vont devenir sombres. Ce sont ceux qui sont restés sous leur divergence et qui se sont accrochés fanatiquement à leur position, leurs visages deviennent sombres au jour de la résurrection. Et ceux qui se sont réunis ensemble sur la vérité et qui ont réglé leur divergence avec les preuves, alors ceux-là, ce sont ceux dont le visage va devenir éclatant au jour de la résurrection. Hein, et yani, ils vont donc être heureux ce jour-là. Donc ça c'est important, yani, de bien comprendre tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, et on va continuer le reste, inshallah, demain dans la suite de l'explication de ce livre. Fadl al-Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan. On arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.